Si toi aussi tu refuses d'être le PNJ de ta vie, bienvenue sur les podcasts Outsider. Salut messieurs, mesdames et personnes non binaires. Aujourd'hui c'est à nouveau un petit podcast Outsider Game Design. Je suis avec une super invitée, Lakesis. Salut. Bonjour. Et donc, si je t'ai invité, c'est pour parler d'un petit sujet qui fait écho à un podcast qu'on a enregistré il y a quelques temps avec RL. Le podcast, c'était Qu'est-ce que l'expérience du jeu de rôle peut apporter quand on veut écrire un roman? Et donc là, on va faire le sujet miroir, c'est-à-dire quand on a une expérience d'écriture romanesque ou tout simple, enfin, ou à la rigueur juste quand on est, on va dire, amateur, amatrice de littérature, de roman notamment, qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait dans la pratique du jeu de rôle, que ce soit pour écrire des jeux de rôle, créer des scénarios, masteriser. Être joueuse, alors joueuse que ce soit dans les jeux avec MJ ou dans les jeux sans MJ, parce qu'on verra que ça ne fait pas forcément appel aux mêmes compétences. Donc voilà, c'est sans doute un peu atypique, parce que sans doute que quand on écrit un roman, c'est pas la première chose qui nous préoccupe de pouvoir utiliser cette expérience-là dans le jeu de rôle, mais je pense que c'est intéressant de faire des ponts entre les deux disciplines. Et comme tu as la double casquette, je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu penses de ce sujet. Eh bien, je suis Lakesis, ou Élise pour les plus intimes. Depuis quelques années maintenant, je suis maîtresse de jeu, comme on dit, mais aussi joueuse sur divers univers avec différents MJ. J'ai aussi commencé à tenter de lancer une carrière en tant qu'autrice. J'ai plusieurs romans sur le feu, j'ai déjà écrit plusieurs nouvelles sur un même univers avec des mêmes personnages qui se suivent. Et en tant que conceptrice de jeux de rôle, j'ai créé quelques jeux de rôle courts qui sont disponibles sur Trop Long Palu. Voilà, c'est à peu près l'ensemble de mes compétences pour ce podcast. Il me semble que t'as aussi une chaîne YouTube. Oui, j'ai aussi une chaîne YouTube, c'est vrai, je n'y ai pas pensé, où je traite d'écriture, de lecture et de jeux de rôle quand j'ai des sujets qui me viennent à l'esprit. Vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, en cherchant mon nom. Ouais, de toute façon, on mettra les liens dans la description, hein, t'inquiète pas. D'accord. Ok, alors juste, est-ce que tu as des genres de prédilection, que ce soit en roman ou en jeu de rôle Alors, j'ai un panel assez large parce que peut-être parce que j'ai aussi des lectures assez variées. J'ai fait du jeu de rôle maître fan assez classique, hein, vu qu'il me semble que c'est le genre le plus répandu. Mais je fais aussi de la science-fiction, du mystère, du thriller. J'ai fait aussi un jeu de rôle humoristique avec l'ennui de Loki, où on incarne des personnes qui ont été choisies par le dieu farceur Loki pour accomplir une quête, mais qui ont reçu des pouvoirs assez nuls et qui du coup doivent se débrouiller de façon potache pour accomplir leur quête. Donc voilà, j'essaie en fait d'élargir mon champ d'action pour pouvoir apporter à mes joueuses une expérience assez variée et qui ne les ennuie pas. J'aime bien aussi l'horreur psychologique surtout, plus que le gore, parce que je trouve que ça attire des choses intéressantes des joueuses. Ok, ouais. Alors, une question un peu connexe. Est-ce que par hasard, tu as déjà fait des actual play, des parties enregistrées, diffusées, hein? Alors, j'en ai une sur ma chaîne YouTube qui est disponible sur l'un des jeux que j'ai créé, L'Entrepôt, qui est du steampunk horreur. Mais je dois avouer que pour le moment, je suis un peu timide de ce point de vue-là. Parce que je trouve que j'ai pas encore le matériel nécessaire pour que ce soit vraiment intéressant. Mais peut-être que je me trompe. Je vous invite à aller voir la partie et à me dire si ça reste intéressant malgré l'absence de caméra, entre autres. Ouais, bah oui, tout à fait. Bah écoute, j'espère que l'auditoire sera intéressé et puis te fera un retour. Après, il y a plein d'actuels plays qui marchent bien et où il n'y a pas de caméra. Hein, Ouais, comme mais c'est quelque chose que tu peux écouter comme une fiction audio, quoi. comme j'ai été biberonnée à Aventure, Tales of Pi et Critical Role, j'ai toujours cette image de la personne filmée, du coup, ça me reste en tête. Ok, ouais. Alors, on va arriver au sujet si tu veux bien. Oui? Bah déjà, tout bêtement, est-ce que tu penses que toi, ton expérience d'autrice de romans, de nouvelles, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir réutilisé ensuite dans le domaine du jeu de rôle? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de mécanismes d'écriture qui m'ont permis de faire évoluer ma façon de narrer et même de jouer, que ce soit surtout pour la partie narration, sur la construction de scénarios, parce qu'en fait, j'ai des outils que j'utilise pour écrire dont je me suis rendu compte qu'ils étaient très utiles pour la narration, que ce soit pour la description de lieux et de personnages. Ça m'a permis de rendre ça plus fluide parce que j'ai pris ces mécanismes de l'écriture, mais aussi pour la construction de scénarios, la création d'une timeline, une frise chronologique avec des points importants qui vont me permettre de mieux structurer le récit tout en gardant une certaine fluidité, parce que dans le jeu de rôle, on n'a pas, ce n'est pas un couloir, ou c'est moins un couloir normalement. Mais aussi Du coup, ta timeline, tu conserves une seule ligne en te disant que tu vas adapter en cours de jeu ou tu fais une arborescence? alors, ce que je fais en fait, c'est que j'ai une timeline principale avec des points d'intérêt, des points d'accroche dont je sais que je sais que les joueuses vont expérimenter. Mais en fait, entre ces points d'accroche, je me laisse une totale liberté, c'est-à-dire que ce sera à moi, ce sera ma responsabilité, tout en laissant aux joueuses la possibilité d'explorer l'univers, de rencontrer les PNJ et de faire un peu ce qu'elles veulent. De faire en sorte que ce point d'accroche arrive. Alors, ça peut être dans un lieu différent, avec un personnage non-joueur différent. Par exemple, si j'avais prévu que ce soit un personnage non-joueur qui apporte une information, ben, à cause de la suite des événements, ce sera un autre qui le fera. Mais je garde quand même ces points d'accroche qui vont se passer au bout de tant de séances ou après tel événement ou voilà. Ok. Mais c'est un truc que j'ai pris de l'écriture dans le sens où moi je suis ce qu'on appelle en anglais une pantser, un mélange entre penseur et planificateur. C'est-à-dire que lorsque j'écris, j'ai pas un plan extrêmement précis, scène par scène, de ce qui va se passer, mais j'écris pas en même temps au hasard. Et donc, en fait, je laisse à mes personnages cette possibilité d'évoluer, d'aller dans tous les sens, mais ils rencontreront quand même certains événements clés. Et du coup, c'est la même méthodologie, en fait. Ok, alors si je peux me permettre de reformuler, tu me diras si je suis bon. En quelque sorte, ce que tu prépares, c'est des events, alors qui ont entre guillemets un contenu assez fort, mais tu te permets de les maquiller, les transformer en fonction des initiatives que les joueuses sont libres de prendre bah, entre chaque event, quoi. C'est Mais exactement tu ça. sais que tu vas balancer tes events, ils vont peut-être être un peu modifiés pour coller à la situation telle qu'elle a évolué, mais tu as tes events et c'est ça qui va structurer en fait que ce soit ton bouquin ou tes scénarios quoi. C'est exactement ça, et c'est cette méthodologie qui, pour pour moi fonctionne parce que ça me permet d'avoir un récit structuré, que ce soit à l'écrit ou en tant que maîtresse de jeu. Narratrice, j'aime bien narratrice, mais tout en laissant une liberté aux joueuses en fait. Ces events, est-ce que c'est plus entre guillemets des choses qui sont là pour guider l'intrigue dans une direction précise? Bon, tu as donné l'exemple du bonhomme qui est là pour donner un indice, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose du domaine de la direction artistique où tu sais, je veux dire des trucs bêtes, hein, mais là j'ai envie d'une belle scène de crépuscule, tu vois. Est-ce que c'est l'un, l'autre ou un mélange des deux? C'est un mélange des deux. J'ai les très gros événements qui se produisent pour faire avancer le fil rouge de l'histoire, d'une campagne par exemple, mais lorsque je prépare une séance, j'ai toujours des moments forts que j'ai envie de placer dans la séance qui vont soit donner des informations sur le lore, le contexte de l'univers dans lequel je les fais évoluer. Soit effectivement poser une ambiance. Par exemple, je me dis, ah, tiens, à ce moment-là, j'aimerais utiliser cette musique de ma playlist et d'écrire ce genre de choses. Bon, j'ai pas toujours la possibilité parce que, par exemple, mes joueuses vont décider d'aller dans un endroit totalement différent et du coup, je pourrais pas utiliser ma belle musique et faire ma belle description. Mais j'essaie d'avoir des petits points de description, des détails qui vont me permettre de faire comprendre aux joueuses, aujourd'hui ce sera telle ambiance, aujourd'hui ce sera telle atmosphère. Surtout lorsque je fais de l'horreur, parce que l'horreur, vu que pour moi elle est surtout psychologique, c'est très descriptif. Donc ça reste important de préparer ce genre de choses. Ok. Alors, attends, j'ai plein de questions. Je vais essayer de rien oublier. Si j'ai bien compris, t'as les events, les trucs qui sont là pour faire avancer l'intrigue, ils sont non négociables. T'as prévu qu'ils arrivent, quitte à ce que tu les modifies, les adaptes. Par contre, quand c'est ce que les entre guillemets les scènes d'ambiance que t'as prévues, là, t'es prête à les sacrifier si ça colle pas à ce qui s'est passé, quoi. Oui, pardon. Oui, parce que parfois, on se rend compte que les joueuses ont totalement une autre idée en tête. Et là, c'est là que l'écriture et la narration dévient, dans le sens où on est soumis, entre guillemets, on est soumis à l'envie des joueuses. C'est-à-dire que si toi t'avais prévu, par exemple, ben, restons dans ton thème, une horreur forestière, mais que les joueuses ont envie de rester dans l'environnement urbain, eh bien là, il faut que tu le respectes, quoi. Alors ça c'est une question, c'est parce que je pense que ce qu'il y a de commun, je vais noter, je vais te poser d'abord, je vais revenir sur un truc que tu as évoqué avant. Donc tu parlais que tu avais prévu des scènes d'ambiance et tout, donc apparemment celles-ci elles sont un peu préparées, un peu pensées. Est-ce que tu vas jusqu'à écrire à l'avance des descriptions ou des dialogues? Alors non, parce que je ne suis pas une planificatrice pure. Lorsque j'écris, ça me pour le jeu de rôle. Je trouve que ça me bride beaucoup parce que je suis tellement dans une démarche d'autrice que j'ai vraiment envie que ça se passe absolument comme ça. Et malheureusement, ou bien heureusement, selon le point de vue dans lequel on se place, le jeu de rôle, c'est à mon sens, selon mon expérience de narratrice et de joueuse, beaucoup plus libre et beaucoup plus dans l'improvisation. Je suis une narratrice qui improvise beaucoup en fonction, en rebondissant sur les actions des joueuses. Mais ce que je veux dire, par exemple, du coup, ça t'est jamais arrivé Genre, tu sais qu'à un moment, peut-être qu'ils vont passer dans un marché ou qu'ils vont voir tel visiter, je sais pas, une île ou une jungle, des choses où il y a pas mal de détails qui sont assez évocatrices. Ça t'est jamais tenté de d'écrire à l'avance deux ou trois lignes pour que tu pourrais lire en fait au moment où ils y arrivent, quoi. Non, jamais. J'ai vraiment toujours été pour ma narration dans l'improvisation la plus totale. J'y réfléchis, j'y pense, je me dessine les scènes en tête et je les décris sur le feu en fait. Ouais. C'est Et ma du coup, méthode. ouais, très bien, ouais. Et du coup, quand t'es sur du roman, c'est pareil. Enfin, apparemment, t'as déjà posé des jalons avant de commencer à écrire. Mais ces jalons, ils sont très peu écrits. Ça t'arrive pas à décrire, ne serait-ce qu'une ou deux lignes de dialogue ou de description à l'avance, parce que tu sais que t'as envie de placer tel détail et que t'y penseras peut-être pas plus tard. Non, exactement. En fait, ce que je fais lorsque je fais du roman ou de la fiction courte, Ouais. j'ai un outil d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont envie d'écrire. C'est un très bon outil français fait par quelqu'un bien de chez nous, tout seul dans son salon, qui s'appelle Scribook et qui est un outil d'écriture en ligne qui est très très efficace. Et qui a sur son interface un petit carré de synopsis. Et moi, je m'en sers pas pour le synopsis de la scène. Je m'en sers justement pour écrire mon jalon. Écrire, à ce moment-là, ils vont être dans le marché. À ce moment-là, ils vont croiser un ou deux personnages. Et ils vont discuter de ça. Je vais faire un petit brainstorming et dans ce petit carré, et après je vais passer à l'écriture, et ce sera toute la préparation que je ferai en fait. Ouais. Donc j'ai vraiment la même démarche au niveau de l'écriture et de la narration. Et comme j'ai dit, ça m'a aussi, mon écriture m'a aussi permis de développer d'autres choses au niveau de la narration. C'est surtout ma méthodologie pour décrire des lieux, des ambiances et des personnages. Parce que j'ai pris des automatismes en fait de description qui sont des automatismes de romancier et qui m'ont fait me rendre compte que je décrivais plus efficacement mes lieux, mes ambiances et mes personnages depuis que j'avais commencé à écrire plus sérieusement. sur la façon de d'écrire un corps, par exemple. D'écrire un corps de façon à ce que l'attitude et la mise du personnage, du bonhomme que l'on décrit, trahissent un peu sa personnalité, ou de la façon dont un lieu, avec des petits détails que l'on dispose, trahissent un peu son histoire, ou dont un paysage va poser une atmosphère grâce au champ lexical qu'on va utiliser. Tout ça, c'est des automatismes qu'on prend en fait. Ouais, c'est une forme pour ce qui concerne les décors là, c'est une forme de narration par l'environnement, quoi. Exactement, c'est en fait utiliser un champ lexical, par exemple, pour poser une atmosphère paisible. On ne va pas utiliser le même champ lexical, on va utiliser des mots qui rapportent à la douceur, à la chaleur, à des couleurs pastel ou chaudes. Tandis que si, le même paysage, si on a envie de poser une ambiance plus horrifique ou stressante, on va plutôt utiliser un champ lexical plus rêche, plus froid, plus sombre, alors que de base, ça pourrait être la même prairie, mais simplement, on va choisir d'utiliser des mots qui, dans l'esprit de la joueuse, vont traduire d'une atmosphère différente. Ok. Et tout ça, c'est des outils que les romanciers et romancières utilisent et qui peuvent être utiles aux narrateurs de jeux de rôle, en fait. Alors ça me fait penser. Ouais, donc ça, c'est les fameux outils de description de lieu et de personnage que t'évoquais au début. Juste, je le cite parce que ça tombe tout de suite dans le thème. On peut trouver dans le manuel Mener des parties de jeu de rôle, là, aux éditions Lapin Marteau, y a un article par Jean-Philippe Jaworski, donc lui, il a la double casquette, hein, auteur de jeux de rôle et auteur de romans. Et en fait, il présente une méthode pour étoffer les CPNJ, bon, qui apparemment est plutôt inspirée de son expérience romanesque, où en fait, grosso modo, lui, sa pratique, c'est d'imaginer l'histoire de ces PNJ, mais vraiment en profondeur, tu vois, un petit peu comme un iceberg, où en fait les PJ vont en voir que la face émergée, quoi. Mais lui, de savoir toute la petite vie du PNJ, ça l'aide à construire un petit peu l'attitude de son PNJ pour qu'il ait une attitude cohérente, avec des motivations profondes qui sont pas uniquement liées à la quête principale des PJ, quoi. Oui, je trouve ça moi aussi très important et c'est quelque chose que je fais aussi bien dans le roman, et dans le roman c'est très important aussi que dans le jeu de rôle. Il faut que les personnages aient une vie en dehors du scénario principal si on a envie de les rendre plus réalistes. Après, ça peut être aussi un choix hein, parce que chacun a son style de narration propre. Il y a des narrateurs qui vont choisir d'avoir vraiment des bonhommes outils et c'est si ça leur convient et que ça convient à leurs joueurs, c'est tout à fait bien. Mais pour les personnes qui ont envie d'étoffer un peu, c'est important de faire vivre ces bonhommes, comme tu dis. J'aime bien le terme d'ailleurs, c'est rigolo, je vais le réutiliser. Ces bonhommes en dehors du scénario principal. Et pour ça, alors, ça peut sembler ardu, hein, si on mène une campagne de plusieurs années comme je l'ai fait, par exemple, d'avoir en tête la vie de chaque petit bonhomme qui passe. Mais c'est pas si compliqué que ça, il suffit d'être un peu organisé et de se poser quelques questions clés. C'est-à-dire, c'est ce que je fais pour mes romans, où est-ce que cette personne a grandi? Comment est-ce qu'elle a été élevée? Est-ce qu'elle a vécu des événements importants dans sa vie, aussi bien positifs que négatifs? Et quelles sont ses motivations pour son avenir, que ce soit en lien avec la campagne principale ou égoïste en quelque sorte? Ok, ouais. Je reviens du coup sur l'article de Jaworski. T'as l'impression que lui, comme il fait les choses, après, bon, l'article peut peut-être laisser entendre quelque chose qu'il fait pas vraiment, mais parce qu'il caricature peut-être sa propre démarche. T'as l'impression que grosso modo, si les PJ vont boire un verre, l'aubergiste, il a un super BG, enfin, il a tout un BG, tout ça, machin, et que grosso modo, il a réfléchi pendant au moins, 10 à 20 minutes sur le BG de son PNJ, quoi. Alors que c'est, ça se trouve, ils vont le voir 2 minutes. Après, il y a un intérêt dans le sens où le gars, il va être de mauvaise humeur parce que en ce moment, il a une crise de goutte et que sa femme veut le plaquer. Mais en même temps, la question, c'est, toi, à quel point, comment tu doses ça, en fait? Est-ce que vraiment tu vas préparer un BG pour le moindre figurant qui n'aura droit qu'à 2 minutes de spotlight, quoi. Alors, non, je ne vais pas jusque-là. Comme j'ai dit, je ne suis pas une planificatrice pure. Ouais. En fait, j'ai un bouquet de bonhommes principaux. C'est-à-dire qu'ils ont, à mes yeux, de narratrice, un rôle aussi important que celui des joueuses dans l'histoire. Et ces Ouais. personnages-là, ils vont avoir tout leur background, toute leur histoire. Après, par contre, ce que je fais, c'est que parfois, nos joueuses nous surprennent et elles vont s'attacher à un figurant auquel on ne pensait pas qu'elles s'attacheraient. Et du coup, elles vont commencer à vraiment le questionner, à essayer d'interagir avec, parce qu'elles se sont mises dans l'esprit, elles se sont mises dans l'esprit que elles aimaient ce personnage et qu'elles avaient envie d'en savoir plus et que très potentiellement, parce que ce personnage les a attirées, c'est qu'il a quelque chose à faire avec l'histoire. Alors c'est là que je me pose en panique dans ma tête tout en essayant de rester calme pour les joueuses. Ces questions que je vous ai que je vous ai présenté, c'est où est-ce que cette personne a grandi, comment est-ce qu'elle a été élevée, quelques événements importants sont passés, ses motivations, et du coup ça me permet de construire rapidement et de noter dans un coin de mon esprit pour le réécrire plus tard, parce que ça par contre les personnages non joueurs je les écris, contrairement à mes descriptions, pour pas Ouais. oublier de détails, et que je crée un personnage plus complexe. Après, c'est pas forcément l'idéal. Peut-être que un planificateur pur qui va passer 20 minutes sur chacun de ses moindres bonhommes est plus efficace que ça, parce que moi, je fais un peu dans la panique, mais en même temps, c'est un peu un de mes motivateurs principaux. Donc, Mais après, est-ce que ça t'arrive du coup, donc là, il y a un PNJ qui leur a plu, donc du coup, tu as improvisé en 5 minutes, tu as approfondi son passé avec tes trois questions. Est-ce que tu vas, dans le cadre d'un jeu en campagne, est-ce que pendant l'interscénario, tu vas le retravailler, en fait, l'étoffer pour que dès le scénar suivant, il soit vraiment solide, quoi, entre guillemets? oui, parce que en fait, j'aime bien lorsque mes joueuses se sont attachées à un personnage, faire en sorte qu'ils reviennent plus tard dans leur vie. Et j'ai un outil de narration que j'utilise régulièrement, enfin régulièrement, assez souvent, que j'utilise aussi bien dans mes livres que dans le jeu de rôle. C'est l'ellipse. Je fais des ellipses narratives de plusieurs semaines à parfois plusieurs mois, durant lesquelles mes joueuses vont pouvoir me dire et en profiter en fait, parce que souvent, vu que je fais des campagnes très longues, c'est mon kiff, elles ont des projets en fait, des projets à court et long terme, et elles vont se servir de ces ellipses pour qu'on fasse des séances exceptionnelles. Et qu'elles me disent, je vais réaliser tel projet, je vais parler avec telle personne, je vais faire ci, je vais faire ça. Et du coup, durant ces ellipses, ces personnages, ces bonhommes qu'elles ont appréciés, qu'elles ont aimés, ils vont continuer de vivre et d'exister. Et je vais leur en parler en fait. Je vais leur dire, oh, Et bah tiens, il est arrivé ça à tel personnage. Est-ce que tu as envie d'aller le voir? Ou je vais leur poser la question, est-ce que tu vas voir tel personnage? Est-ce que tu vas avoir telle discussion, etc. Et souvent, c'est elles-mêmes qui vont me dire dans leur projet, ah bah tiens, j'ai envie d'aller rendre visite à cette personne-là parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Du coup, je suis obligée en fait de penser la vie de ces personnages qu'elles ont aimés pour que ça reste cohérent, pour que le monde vive en dehors du scénario principal et que l'immersion soit un peu plus importante. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu crées des relation maps, des choses comme ça? Je les fais pas à l'écrit, mais je les garde dans ma tête et j'ai un peu, en fait, ça c'est un outil qui est extraordinaire grâce aux jeux de rôle en ligne, parce que c'est ce que je fais majoritairement pour mes campagnes, vu que mes joueuses sont dans toute la France. C'est Google Doc, où mes joueuses prennent leurs notes. Et le fait que j'ai une joueuse qui enregistre toutes les parties. Mais que ça, je ne les diffuse pas parce que, ben, vu que mon roman est basé sur ma campagne Ouais, principale, je ne peux pas spoiler quoi. spoiler. Et du coup, de temps en temps, je réécoute les parties, je vais voir leurs notes pour voir comment elles ont réagi à tel ou tel personnage, etc. Et je me sers de ça pour garder la trace, en fait, de ça, des relations entre les personnages et tout Ok, ça. ouais. Du coup, si j'avais une campagne IRL, là oui, lorsque je faisais une campagne IRL, j'avais mon petit carnet de MJ et là je notais tout. Je notais quand elles étaient amies, quand il y avait eu des disputes, quand elles se haïssaient, etc., etc. Par contre, maintenant que je suis en ligne, j'ai d'autres outils dont je me sers pour soulager un peu ma charge de travail. Certains penseront peut-être que c'est de la triche, mais moi je trouve que c'est juste utiliser les outils à ma disposition. Ouais, puis enfin, je veux dire, vous êtes une équipe. Enfin, t'as pas à faire tout le boulot pour tout le monde. Donc, s'il y a des joueurs qui prennent des notes, pourquoi, enfin, t'as raison d'en profiter, quoi. Oui. Et puis au début de chaque partie, on a une petite tradition, c'est que je jette un dé et c'est la personne sélectionnée du jour qui va faire le résumé de la session précédente. Vu qu'on joue une fois par semaine, je trouve que c'est important Ouais. pour garder un peu en mémoire. Et du coup, en fait, au début de chaque partie, je pose la question à la fin du résumé, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à corriger du résumé parce que vous avez vécu les choses différemment? Et du coup, parfois, on a un petit brainstorming de, ah, moi, j'ai pas vécu ça, pour moi, ça s'est plus passé comme ça, etc. Et ça permet de remettre à niveau, en fait, la façon dont les joueuses ont vécu la partie, quoi. Et Ok, ça aussi, c'est un outil intéressant, je trouve. Et c'est quelque ouais. chose que j'utilise aussi dans l'écriture, c'est que de temps en temps, je vais me poser et je vais me poser la question du comment est-ce que ce joueur, pardon, c'est l'habitude, comment est-ce que ce personnage a vécu cette situation? Parce que tous les personnages dans un roman ont une personnalité qui leur est propre. Et vivent la situation différemment. Du coup, dans ma tête, je me fais le résumé de la session précédente, entre guillemets, du point de vue du personnage. Et je me rends compte que, ah bah tiens, du coup, ce personnage devrait réagir différemment parce que ces événements-là, il les a vécus de cette façon et pas de celle-là. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise, ces outils-là. Alors du coup, je me pose une question par rapport au PJ, hein, pour le coup, parce que si tu veux, enfin, remarque, ça peut être par rapport au PJ, mais quand tu écris un roman, si tu te rends compte que, par exemple, un personnage aurait dû être impacté de façon importante par une situation, puis que finalement, on n'a pas trop fait jouer les conséquences sur ce personnage, enfin, pas trop fait jouer, tu vois, la déformation, là je parle du roman, on n'a pas trop, t'as pas trop décrit, bon, bah, un roman, tu peux toujours réécrire, quoi, tu peux rajouter un paragraphe ou deux, ou le personnage, entre guillemets, chiale, ou se met en colère, enfin, ou n'importe quoi, ou est malade par rapport à ce qui s'est passé avant. Mais en JDR, une fois que c'est fait, on peut pas revenir en arrière, quoi, ou. Est-ce que enfin, ou justement, ma question c'est, est-ce que ça t'est arrivé, du coup, par souci de, bah, entre guillemets, par souci narratif, quoi, de revenir sur un truc qui a été fait, de dire, bah non, finalement, tel PNJ, j'ai dit que ça lui faisait rien, mais en fait, c'est pas vrai, ou carrément de demander aux joueuses, de revoir leur attitude, quoi. Alors, ça m'est arrivé, pas avec des PNJ, mais avec une joueuse. Ça m'est arrivé récemment d'ailleurs, et c'est justement là que le résumé intervient en début de partie. C'est comme ça que je m'en sers aussi. C'est une joueuse qui est venue me voir en privé et qui m'a dit, parce que on lui avait annoncé que son personnage allait être papa. Et elle m'a dit, ah bah tiens, en fait. J'ai réagi comme ça, mais c'est pas comme ça que j'aurais dû réagir. Maintenant, a posteriori, je m'en rends compte. Est-ce que je peux faire le résumé pour modifier la réaction de mon personnage? Ok, ouais. Et je lui ai dit oui, tout à fait, je tirerai pas le dé cette fois-là et tu feras le résumé et tu nous diras comment ton personnage a réagi. Donc oui, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Ou alors j'ai une joueuse dont le personnage est mort, en fait, à cause d'une action téméraire. Et je tiens à le dire, que ce soit enregistré pour la postérité, je l'ai prévenu plusieurs fois que cette action est téméraire et risquait d'avoir des conséquences graves, qui est venue me voir et qui m'a dit, mais en fait... Je peux pas, je supporte pas la. Je pensais pouvoir supporter la mort de mon personnage, mais mon personnage est trop important pour moi. Est-ce qu'on peut trouver un moyen narratif de changer la mort de mon personnage? Et vu que je suis là, non pas pour faire souffrir les joueuses, mais pour les faire s'amuser, en début de partie, après le résumé, j'ai fait en sorte d'utiliser un bonhomme qui avait le pouvoir de donner des visions aux autres personnes autour de lui. Et j'ai dit, un peu à la fin, comme la fin de Twilight, pour avoir des références qualitatives. Mais oui. La fin du film Twilight, des films Twilight, tout ça n'était qu'une vision, toute cette scène d'action extraordinaire n'était qu'une vision pour prévenir cette joueuse que son personnage risquait de mourir, pour prévenir le personnage qu'elle courait à sa mort. Donc, comment, je lui ai posé la question, maintenant, comment réagis-tu à cette vision? Et là, elle a fait effectivement, maintenant que j'ai eu cette vision, je prends une décision différente. Du coup, oui, ça m'est arrivé de revenir sur des points de vue de scénario pour le bénéfice de la narration, quoi. Quelque part, ça ressemble aussi un peu à ce qu'on peut observer des fois dans des séries télé quand les scénaristes ont un remords sur une décision qu'ils ont prise ou que les fans n'ont pas Oui. supporté la mort de tel personnage. Oui, bah notamment dans Stargate, Daniel Jackson qui revient parce qu'en fait il s'était élevé et du coup non vu que les fans et c'était un de leurs personnages préférés et qui a eu un tollé général, non il se désélève parce qu'il a été puni parce que en fait il était trop parfait pour s'élever parce qu'il voulait continuer de sauver tout le monde parce que c'est un vrai héros. J'ai une question, genre j'ai une autre question, enfin c'est une réaction par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure. Non, autant pour moi, je la garde encore un petit peu au chaud celle-ci. Je vais enchaîner sur quelque chose de plus proche de ce que tu viens de dire. C'est en fait la grosse différence, si tu bon déjà ça pose la question de savoir est-ce qu'un jeu de rôle doit avoir une qualité narrative, c'est peut-être pas un objectif, mais la grosse différence, si tu veux, entre un roman que tu vas écrire toute seule et que en plus tu peux quand même travailler s'il y a besoin et un jeu de rôle, c'est que dans le jeu de rôle, ben t'es pas toute seule. En plus, tu peux pas retravailler. Enfin, tu nous as quand même montré qu'il y avait des petites astuces. Et en plus, les joueuses qui viennent jouer, bah, peut-être qu'elles viennent juste jouer. C'est-à-dire, elles ont peut-être pas pour objectif enfin, je les connais pas, hein, tes joueuses, mais elles ont peut-être pas pour objectif que l'histoire soit super cool, que tout soit mémorable et qu'il y ait entre guillemets des qualités littéraires, quoi. Et donc, comment est-ce que t'as l'impression toi, à ta table, alors ça se trouve, t'es juste t'écoute et tu vas pas oser me répondre. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un décalage entre guillemets qualitatif entre toi, tes décors, tes figurants et les personnages en fait? Ce qui peut être très embêtant parce que tu dis les personnages ils sont centraux dans l'histoire, mais on ne sait pas si les joueuses entre guillemets sont à la hauteur. Donc est-ce que tu observes un décalage? Oui, non. Et dans les deux cas, comment tu vis la chose, quoi? Alors, c'est pas un décalage qualitatif, c'est un décalage de ton que j'observe parfois. Les joueuses qui vont prendre à la rigolade une situation que j'imaginais dramatique et extraordinairement émotionnelle, qui, elles, peut-être pour justement se défaire un peu du drame, vont faire du hors. RP, du hors roleplay, du HRP, et plaisanter là-dessus. Et du coup, ça va un peu me perturber dans ma narration. Du coup, ce que je fais, c'est que je les laisse se relâcher. Je les laisse plaisanter 1 ou 2 minutes. Et après, je reprends la narration et je leur dis un peu de sérieux, s'il vous plaît, un peu de silence. Après les avoir laissés. Ou alors je prends totalement le contre-pied et des personnages qui étaient censés être extrêmement dramatiques et sérieux dans leur caractère, je les rends un peu plus comiques. Ou Ouais, tu vas alors mettre j'ai de l'eau dans ton vin, des... quoi. Exactement, mais j'ai aussi des personnages outils dans le sens où, vu que je sais que parfois... Justement, le drame, ça peut peser et que les joueuses ont besoin de souffler. Comme tout récit, en fait, il y a besoin de moments où on souffle, où on se détend. J'ai des personnages, justement, qui sont là pour détendre l'atmosphère. Notamment, je fais la mention juste pour mes joueuses parce que je sais qu'il y a beaucoup de chance qu'elles écoutent. Temps et espace, qui sont un couple d'un vieux monsieur et d'une vieille dame. qui sont extrêmement potaches et qui font des blagues constamment sur leur nature, temps est tout le temps en retard, espace prend beaucoup de place, etc., etc. Du coup, oui, j'ai ces Pas personnages-là. des comic reliefs, quoi. Exactement. Et j'en ai aussi, enfin, parce que justement, le comic relief, c'est un outil qui est important dans la rédaction, que ce soit sous forme de personnages ou juste de moments où on va se détendre. Par exemple, dans le roman que j'écris sur les chroniques de la Lune Bleue, c'est d'ailleurs, je ne l'ai pas encore mentionné, c'est le titre du jeu que je fais et du roman que je vais sortir, un jour peut-être, on croise les doigts. Ou juste après un moment extrêmement intense, ben les personnages vont juste se regarder et rire. Rire de la situation, rire pour se détendre, rire parce qu'ils ont envie de pleurer. Et je trouve que c'est ce genre de moment aussi, les moments où on rit, c'est les moments où les personnages vont commencer à se lier entre eux, que ce soit les joueuses et leurs personnages, ou les personnages du roman. Parce que c'est des moments assez intimes en fait, les moments où on rit ensemble. Et ça reste des moments importants et qu'il faut pas brider à mon sens parce que c'est ça qui construit une équipe solide. Du coup, si je peux résumer un petit peu ton propos, d'une, tu nous, comment, tu nous expliques que c'est important de varier les registres, en fait, et de deux, j'ai l'impression que quelque part, ton indicateur pour savoir quand il est temps de varier d'un registre, eh ben, c'est un peu les réactions des joueuses. Quand tu sens qu'elles ont besoin de lâcher de la pression, ben tu te dis que c'est peut-être le moment soit de les autoriser effectivement à avoir un RP plus léger, ou soit toi-même, ben, entre guillemets, utiliser tes PNJ un petit peu drôlatiques pour relâcher la pression, quoi. Exactement. Et il y a aussi des outils que j'utilise dans l'écriture. C'est les moments de la vie de tous les jours, qui sont pas forcément humoristiques, mais qui permettent d'ancrer le personnage et la joueuse et qui lui permettent de vivre en fait et de penser à autre chose, de penser à autre chose qu'à la quête principale et aussi de s'approfondir. Parce que parfois, dans mes romans, je vais mettre des moments où il y a un personnage qui va se coiffer et qui va réfléchir, ou qui va écrire une lettre, ou qui va aller faire des courses et qui va vivre un peu. Et ça permet, dans le format roman, d'en apprendre un peu plus sur le personnage. Mais c'est aussi quelque chose qui est valable dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que parfois, dans le jeu de rôle, ils vont avoir des événements comme par exemple un accouchement, ou un mariage, ou une petite réunion sur la place du marché entre eux où ils vont faire leurs courses et discuter. Et c'est quelque chose qui va Qu'est-ce que tu veux, permettre aux Loulou? joueurs. Je veux la pâte à Ah. Ah! Attends, je mets un pas de patrouille et je suis à toi. Oui. Vas-y, je te laisse poursuivre. D'accord. C'est quelque chose qui va permettre à la joueuse de développer le caractère de son bonhomme et de développer ses relations avec ceux des autres joueuses. Donc c'est un outil qui est valable, du coup, c'est le thème du podcast aujourd'hui, Ouais. aussi bien dans l'écriture que dans la narration de jeu de rôle, en fait. Ok, impeccable. Alors, une autre question un peu connexe à tout ça, c'est est-ce que tu. Donc, entre guillemets, on serait dans un roman, les PJ, ce seraient les personnages principaux, donc c'est on attend d'eux qu'ils soient. Un peu singulier, un peu étoffé aussi, et que et généralement, enfin bon après ça, je sais pas quel type de narratrice t'es, mais on explore un peu leur vie intérieure, tu vois, on voit un peu plus ce qu'ils ressentent, alors que souvent les figurants, bon, on sait pas trop ce qui se passe dans leur tête, quoi. Est-ce que tu pousses tes joueuses à avoir des PJ étoffés? À savoir ce qui se passe dans leur tête, à étoffer aussi leur roleplay? Non, parce que je m'adapte à la joueuse en fait. Par exemple, j'ai une joueuse qui a quitté la campagne parce que bah, ça lui plaisait moins, ce qui n'est pas un problème pour moi, hein, bien sûr. Je suis là pour vous faire vous amuser. Si vous vous amusez plus, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Mais son personnage, c'était une poissonnière. Et elle avait des parents et elle avait sa poissonnerie et c'était juste une personne lambda, une poissonnière qui arrivait là par hasard et qui devait gérer la situation de son mieux. Et elle n'avait pas un background étoffé, elle n'avait pas une personnalité extrêmement développée et ça m'allait parfaitement. Question roleplay. J'ai un joueur qui. La majorité de mes joueuses, elles jouent leur réplique, par exemple. Elles vont vraiment être dans une démarche RP théâtrale. théâtral, ouais, ok. Voilà. J'ai une joueuse, elle dit, mon personnage dit ça. Ou alors, dans une discussion qui devrait durer longtemps, etc., elle dit. Ben, je vais lui donner ces informations-là. Et du coup, je fais réagir, j'adapte ma narration à sa façon d'être, en fait. Ouais. Donc, même si ça peut créer un décalage, moi, ça ne me dérange pas du tout. Chaque personne a sa façon de jouer, sa façon de ressentir, son attachement ou pas à son personnage. Il y en a certaines qui ont besoin d'avoir une distance, pour jouer, d'autres qui ont besoin d'être très proches. Et c'est à moi, en fait, de faire en sorte, un peu comme quelqu'un qui va tisser une tapisserie, de faire en sorte que ce soit harmonieux, et que tout le monde puisse jouer comme il a envie. Ouais. Je reviens sur ta poissonnière, quelque part, c'est aussi peut-être une façon de dire que finalement un PJ n'a pas forcément à être le personnage principal, cette poissonnière, entre guillemets. Si c'était remis dans un roman, on se dirait bah elle c'est un entre guillemets c'est un figurant ou un personnage secondaire, et toi ça te gêne pas en fait qu'une joueuse incarne en fait un personnage secondaire, quoi. Non, pas du tout. Je trouve ça intéressant, en fait, justement, que toutes les joueuses n'aient pas envie d'être des héros, que ça leur aille d'être simplement, bah, justement, la poissonnière du coin qui fait de son mieux et à qui. C'est presque du roman potache, en fait, justement, ou ubuesque, à qui il arrive plein de choses surprenantes. Mais qui va juste bah, gérer la situation puis retourner à sa vie de tous les jours. Voilà, tous les personnages n'ont pas besoin de devenir des héros de légende ou peut-être n'ont pas besoin de s'en rendre compte en réalité, Ouais. qu'ils deviennent des héros de légende. Alors moi j'avais encore deux questions hein, qui étaient des extrapolations de ce que tu avais dit, mais comme l'heure tourne, je veux savoir si je te les pose ou si tu préfères étoffer un point que t'as encore pas que tu voulais encore aborder. Non, ça ne me dérange pas que tu me les poses. Ok. Alors, il y a un moment, tu as dit que tu as cité un exemple, genre, tu as prévu de l'horreur forestière et puis les PJ préfèrent rester en ville et toi, tu t'adaptes. Et du coup, ma question, c'est par rapport au pitch. C'est-à-dire, est-ce que tu pitches en fait à l'avance tes parties, un petit peu comme si tu écrivais une quatrième de couverture? Et si oui, ben finalement, est-ce que ça forme pas une sorte de contrat social, donc qu'il faut entre guillemets qui dirait bah ces grandes lignes-là, essayez de les respecter. Pour le reste, vous êtes libre, mais j'ai prévu une ambiance globale ou un lieu global de jeu, et ça, restez-y. Non, je pitche pas en fait. Ce que je fais, c'est que je présente le contexte du jeu. C'est-à-dire que par exemple, si je dois faire de l'entrepôt, l'un des jeux que vous pouvez retrouver sur Trollonpalu, je vais présenter le concept de l'entrepôt et je vais leur donner l'ambiance. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une partie de l'entrepôt qui sera plus horrifique ou plus humoristique ou plus d'aventure. Est-ce que ça vous intéresse? Et je pitche pas vraiment en fait. Ou alors pour l'entrepôt justement, vu que c'est un truc où il y a des missions, Je leur présente la mission en jeu et elles découvrent la mission et c'est elles qui vont gérer la façon dont elles essaient de la régler. Ouais. Ou alors, lorsque je fais une campagne, on se donne une date pour jouer à la campagne, mais je ne vais pas leur dire à l'avance de quoi, quelle sera la séance du jour en fait. C'est-à-dire qu'on va commencer avec le résumé, je vais leur donner un petit contexte sur où sont leurs personnages, ou alors si on s'était arrêté in medias res, on va dire où en étaient les personnages à la fin de la dernière session, et ensuite on va continuer à partir de là. Peut-être que c'est un tort de ma part, je ne sais pas, mais je fais pas de petits documents comme tu me l'avais présenté qui vont présenter les points importants du scénario en cours. Ok, ouais. Et oui, bah oui, par exemple, oui, effectivement, la partie qu'on a jouée ensemble, quand tu lis le pitch, ben tu te doutes bien que ça va être dans un endroit précis. C'est géographiquement, c'est quasiment un huis clos, quoi. Toi, c'est plutôt tu tiens ton registre, mais par contre, au niveau géographique, c'est open bar, quoi. Les joueuses peuvent se balader où elles veulent, quoi. Exactement, je crois qu'on appelle ça narrativiste. Je raconte une histoire, mais je suis en même temps, comme je l'ai dit, dans l'improvisation. Du coup, je suis pas attachée à 100% à l'histoire que j'avais en tête à la base. J'ai juste envie de raconter une histoire avec mes joueuses. Et Ouais. si, l'histoire que j'avais en tête, ne leur convient pas, ben je vais en raconter une autre. Voilà. Alors, toute dernière question, c'est sur ton flow en tant que MJ. Je pense à deux exemples, on va dire entre guillemets caricaturaux. Il y a Claude Ferry qui fait des actual plays, et en fait, dans ces actual plays, il y a vraiment des longs tunnels où il va être vraiment dans la scansion, des fois même avec des, enfin, soit en présentant la situation, mais t'es vraiment avec une voix dramatique, des fois il va réciter des poèmes, des choses comme ça. Et un autre exemple que j'avais en tête, c'était Morgane Reynier et Maxime Victor, qui font MJ de Sens Exalogie à deux, quoi. Et en fait, ils ont préparé les dialogues de, ils ont préparé une scène avec deux PNJ qui parlent, ils ont préparé des dialogues et en fait, ils jouent la scène devant les joueuses, c'était de façon un peu théâtrale, quoi, avec des dialogues préécrits, tout ça. Est-ce que tu, alors sans préécrit, mais je veux dire, est-ce que t'es très lyrique en tant que MJ, ou est-ce que au contraire, tu passes tout le temps du en-jeu au hors-jeu? Enfin, est-ce que t'as, ouais. C'est quoi un peu ton registre en tant que MJ, quoi? Alors, pour le hors-jeu, j'autorise mes joueuses à en faire de temps en temps, comme je l'ai dit, pour se détendre. Mais effectivement, et ça, c'est justement lié à ma pratique de l'écriture. De plus en plus, il y a des moments où je vais dire aux joueuses, bon, là, s'il vous plaît, je vous demande le silence parce que je vais faire une narration. Je vais passer 2 minutes, 3 minutes à faire une narration, une ambiance, une description, des dialogues entre des personnages non joueurs. Donc oui, je suis assez lyrique, dans ce sens-là. Bah, par exemple, samedi dernier, c'était la fin de la campagne, une campagne qui a duré plusieurs années. Et je leur ai demandé vraiment sur la fin, là, tout le long de cette musique, je vous demande le silence le plus total. Et pendant 6 minutes, je leur ai fait une longue narration qui posait la fin des choses avec le départ d'un personnage très important, des réactions d'autres personnages. Une description d'ambiance, une description d'atmosphère, des gens qui leur disaient des choses émouvantes avant de s'en aller, etc. Et après, je suis retournée pour souffler, j'ai changé la musique et je leur ai dit, là, Vous pouvez discuter entre vous, discuter de ce que vos personnages ont ressenti par rapport à ça. Allez-y. Et ils ont commencé à discuter entre eux, à réagir à ce qui venait de se passer, etc. Donc j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Ok, ouais, super. Donc, bon, je suppose que quand on écrit un roman, c'est pas dans le but d'être meilleur rôliste, mais je pense que tu nous as largement montré que ça permet quand même de l'être, quoi. Enfin, en tout cas, ça visiblement, ça, ton expérience de l'écriture romanesque, elle a quand même largement influencé ta façon de faire du jeu de rôle, quoi. Oui, ça m'a donné des outils et une compréhension du rythme du récit que je n'avais pas avant, que ce soit parce que je me suis mise à écrire et que du coup, plus on écrit, meilleur on est, ou parce que justement, j'ai fait mes recherches sur les techniques d'écriture et de narration. Du coup, mais ça m'a aussi permis d'être une meilleure joueuse. Parce que ça m'a permis de mieux décrire ce que mes personnages font de façon plus efficace. Ouais, c'est juste que ça m'a permis de rajouter des outils à ma ceinture. Voilà, pour une image qui résume le tout. Ça rajoute Super. des outils à sa ceinture. Ben, je pense que comme on a bien outillé, là, on va se quitter là-dessus, quoi. Je te remercie vraiment beaucoup, Élise, hein, de nous avoir présenté tout ça. Et puis, ben, on invite évidemment l'auditoire, si vous faites de l'écriture ou de la fanfiction et que vous avez vos propres méthodes, ben, vous pouvez en parler dans les commentaires, ça nous intéressera fort. Et donc, on va vous laisser. Salut à Oui. tous et toutes, et Au puis revoir. prenez soin de vous. Au Salut! revoir, salut.